exactement tenu le temps, ce qui nous laisse bien 37 minutes de discussion autour de ces trois communications qui, il me semble, nous incitent à penser les années 30 comme un moment qui permet des formes d'activité, de subjectivité de la part de ces femmes européennes un peu différents, mais en même temps, dans le cadre colonial, ne les situe pas clairement du côté d'une remise en cause de cette domination-là. Alors, peut-être comme dans la première session, j'ai eu le sentiment que d'autres personnes auraient voulu poser des questions et que, comme à la fois les questions et les réponses étaient un peu longues, peut-être essayer à la fois dans vos questions comme dans vos réponses, d'être concis pour que le maximum de personnes puissent vous poser des questions. Oui, parce que là, il y a vraiment un impératif, on doit terminer à 5h30. Tout à l'heure, on avait un peu plus de temps quand même. Moi, j'ai plus un commentaire qu'une question à Marianne Lemaire. C'est dommage quand même que vous n'ayez pas dit que Denise Paum, elle a fait quand même, et toute son équipe, ont fait une rupture épistémologique très très importante, parce qu'au lieu de décrire les femmes africaines comme des femmes, des épouses, des mères, c'est la première fois quand même qu'elles mettent en exergue le rôle politique des femmes, leur rôle économique, et c'est la première fois aussi qu'elles intégraient une africaine dans l'équipe, parce que Solange Faladé, qui était psychiatre, dahoméenne comme on disait à l'époque, faisait partie des auteurs qui étaient là. Bon, il est vrai que Solange Faladé est exceptionnelle, hein, parce que c'est elle qui a eu la suite de Lacan. Elle est psychiatre et psychanalyste. Donc c'est vrai qu'elles étaient dans un ordre colonial, qu'elles ont dû se positionner par rapport aux hommes, mais quand même, elles ont fait énormément de bien aux femmes africaines en disant que ce n'est pas des cocottes seulement, c'est aussi des femmes qui produisent, qui parlent, qui sont dans un rôle politique et dans un rôle économique. C'était peut-être hors sujet. Présentez-vous. Oui, bon, Denise Avnès, rien de particulier. Oui, moi j'ai un peu travaillé sur Germaine Tillion, donc elle n'a pas contesté la colonisation dans son principe, mais elle l'a beaucoup contesté, elle a beaucoup œuvré pour la scolarisation des femmes, dans le cadre de la guerre d'Algérie aussi, etc. Donc elle s'est quand même beaucoup engagée. C'est au-delà de son rôle d'anthropologue, mais quand même, étant donné sa personnalité par ailleurs, elle a largement fait autre chose que sa simple fonction scientifique, il me semble. Clara Palmiste, Université des Antilles Guyane. Une question pour Claire Marine Aurore. Vous avez parlé de la notion de sororité. Et je me demandais si on pouvait l'associer également à une certaine conception de l'universalisme de la condition des femmes, qui fait que ces femmes, ces militantes socialistes vont se pencher sur le sort des femmes algériennes en proposant une politique sociale un peu dans la continuité de cette mission civilisatrice, sans remettre en question toutefois le système colonial auquel elles appartenaient. Donc, je suis Fong du Vietnam. Je voudrais savoir si Marianne Lemaire a des informations, encore une fois, sur la perception des femmes africaines de ces anthropologues. Parce que je sais que, quelque part, dans l'imaginaire vietnamien, surtout des femmes, les anthropologues, les ethnologues faisaient figure d'exploratrices et ça les faisait rêver beaucoup. C'était une transgression par rapport à des femmes qui se déplaçaient très loin de leur pays, etc. Donc, comment est-ce que ces anthropologues étaient perçus par... Merci. Bonjour, Fabio Giomi du CETOBAC de l'OHOSS. J'ai une question pour Claire. Je voulais savoir quel discours, disons, les militantes socialistes dont tu nous as parlé ont activé par rapport à l'islam et en connexion avec le genre, bien sûr. On va peut-être faire un premier tour de réponse, pas trop longue. Oui, alors j'ai juste pour lever le malentendu, je n'ai pas du tout voulu dire que ni Denise Paume, ni David Jabora Lifshitz, ni Germaine Tillion, ni qui que ce soit n'avait rien fait pour les femmes. Je me situais juste dans cette période de l'entre-deux-guerres où, pour aucune d'entre elles, il s'agissait encore de lutter pour la scolarisation des filles. C'est venu un peu plus tard. Le volume de Denise Paume et ses travaux sur les... Oui, mais là, je parle de l'entre-deux-guerres. Donc, non, c'est le moment où elles n'ont pas encore de statut et elles doivent devenir... se professionnaliser, et l'enjeu est particulièrement grand pour eux, bon, pour elles, pardon. Ceci dit, je suis complètement d'accord avec vous pour dire que, dès l'entre-deux-guerres, Denise Paume et Deborah Lifshitz ont marqué une rupture épistémologique. Ça, c'est vraiment dès l'entre-deux-guerres, c'est tout à fait vrai. Je ne pouvais pas trop rentrer dans les détails, mais la mission dont je parle dans cette contribution et la mission Sahara-Soudan, et la mission de Paume Lifshitz qui a été commencée en même temps que la mission Sahara-Soudan, qui est une mission qui a pour tête de file Marcel Griaul. Et en fait, sur place, il est de toute façon prévu que Deborah Lifshitz et Denise Paume restent plus longtemps que Griaul et son équipe, mais de plus, ça se passe très très mal sur place. Il y a d'énormes conflits, des désaccords sur la méthode employée, sur les méthodes employées. Et en fait, de ce conflit, et à mon avis, naît deux écoles africanistes très très différentes, et ça pour des dizaines d'années. Effectivement, d'un côté, l'école de Marcel Griaul avec des travaux centrés sur la vie religieuse, sur les rituels, et tout à fait. Et de l'autre, des travaux qui portent sur l'organisation sociale et qui effectivement ne prennent en compte toutes les dimensions de la vie. Tout à fait. Et peut-être juste sur la perception. La perception. Pour ce qui est de l'entre-deux-guerres, c'est un peu difficile à dire. Bon, si Denise Paume n'a pas travaillé sur les femmes, ce qu'elle pensait faire elle-même au départ, c'est par stratégie, je pense. Enfin, je maintiens qu'à mon avis, il y a une part de stratégie, mais il y a aussi une part d'impossibilité, dans le sens où, en fait, elle le dit, elle n'a pas réussi à travailler avec les femmes, ce qui dit des choses sur le regard qui était porté sur elle. Elle a eu le sentiment de ne pas pouvoir être catégorisée par les femmes Dogon, et donc de faire naître une sorte de malaise chez elle, et donc elle n'a pas réussi à établir le lien. Sans doute parce que, en grande partie, parce que les femmes Dogon ne comprenaient pas très bien à qui ils avaient affaire. Alors, je vais tenter de répondre aux deux questions dont j'ai le sentiment qu'elles se rejoignent pas mal. Si j'ai bien compris la première, sur l'idée de sororité, en fait, c'est bien sûr lié au titre de mon intervention, Et c'est tout le décalage, finalement, de leur pratique par rapport à leurs ambitions, puisque, finalement, il y a, je pense, probablement de façon assez sincère, une conviction qu'une femme peut mieux comprendre la condition d'une autre femme et que, en tant que donc, membre du genre féminin, les militantes socialistes seraient plus à même à la fois de rentrer dans l'intérieur des foyers algériens, finalement, comprendre quelles pourraient être les mesures à prendre, par exemple, pour les femmes. Cependant, ce sentiment d'être sœur, il est à la fois pas partagé, il est absolument pas investi dans la pratique, il n'existe pas vraiment, et cet universalisme de la condition des femmes, je pense que c'est une conviction qu'elles ont et qui, dans ce cas-là, est particulièrement... qui ne fonctionnent pas. Mais bien sûr, elles arrivent finalement, l'univers conceptuel qu'elles ont, c'est celui-là, c'est celui d'un universalisme, d'une condition idéale de la femme dévoilée, de la femme libre, de la femme émancipée, etc. Et c'est pour ça que ça rejoint complètement votre question. Et finalement, moi, mon sentiment, c'est que ce que pratiquent ces femmes-là et ce qu'elles professent, c'est finalement une accentuation des traits du militantisme de gauche dans l'Algérie, l'entre-deux-guerres, et assez globalement dans les colonies françaises de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire cette conviction que La première des choses à faire, la première des politiques à mener, c'est une politique sociale, c'est une politique du logement, c'est une politique de la scolarisation. Mais voilà, la scolarisation contient également en germe tout un ensemble, enfin, toute une émancipation, mais qui, je crois, reculer dans le temps, voilà, c'est une vision de moyen à long terme. Et finalement, donc, toute cette, enfin, voilà, leur, à la fois leur façon de s'exprimer sur les femmes et leur façon de militer, c'est-elle, en direction de ces femmes, accentue les traits du militantisme socialiste dans l'Algérie de l'entre-deux-guerres. Mais ce qu'elle porte en particulier, c'est peut-être plus que les hommes, une critique du traitement fait aux femmes dans les sociétés de l'islam. L'idée que finalement l'islam est un facteur de régression sociale pour les femmes. Et ce qu'elle critique en particulier, c'est l'enfermement des femmes. Très souvent, parce que ce qu'on voit, moi au début je me disais, il y a un problème dans la surveillance politique, parce qu'à chaque fois que je vois un rapport, on me dit il y a X auditeurs dont Y femmes et Z, ou Y indigènes et Z femmes. Et je me disais, alors, y a la catégorie femme indigène, elle n'existe pas. Et je m'étais dit peut-être que c'était un biais de l'archive. Or, j'ai fini par trouver une archive qui mentionnait la présence d'une dizaine de mauresques, le commissaire qui rédigeait son rapport. Et donc, très globalement, elle se trouvait jamais face à ces femmes. Je pense qu'en fait, voilà, c'est, pour le coup, c'est pas un biais de l'archive coloniale, c'est une réalité. Et très souvent, donc, ces femmes en sont réduites à s'adresser aux maris, aux frères, aux pères des femmes algériennes, et leur disent « Pourquoi elles sont pas là dans nos meetings? Il faut les faire venir. » Et donc, toute cette critique de... à la fois du voile, de l'enfermement dans le cadre du foyer, toute cette critique finalement de l'invisibilité de la femme algérienne, et parce qu'on est dans les années 30, dans un moment où la scène politique est investie par les masses algériennes, et mais des masses absolument et exclusivement masculines, donc dans leur côté algérien. Et donc voilà, mais tout ça, c'est aussi, enfin, pour moi, on peut très évidemment faire des liens avec une promotion d'une république qui doit être laïque, enfin voilà, toute une tradition de la gauche française qui a continué. Peut-être je saisis le fait que j'ai la parole pour poser une question à Claudine Guillard à propos justement de ces rares féministes qu'on trouve dans l'entre-deux-guerres. Et c'est dommage qu'on n'ait pas Jennifer Boitin avec nous qui parle en ce moment ou vient de parler des raisons des réseaux féministes coloniales et voyageuses. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, elle paraît très, relativement isolée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur qui est-ce qu'il y a des féministes françaises qui la soutiennent dans son combat, où est-ce qu'elle trouve un peu de sororité pour un combat qui est très minoritaire visiblement en Algérie à ce moment-là? Je suis pas le micro. Bon, je n'ai pas de chiffres. Oui. Ce que je sais et qui m'a quand même fortement surprise, c'est qu'elle ne participe pas aux états généraux du féminisme des années 30, du tout, au moment de l'exposition universelle. Hein. Et j'étais très surprise. Pourquoi? J'en sais rien. Hein. Alors, il est vrai que c'est un type... Je pense qu'en fait, ça peut s'expliquer de la façon suivante. C'est que en 1930, c'est un peu tôt. Encore. C'est peut-être justement ces états généraux du féminisme qui ont incité des femmes qui avaient une sensibilité féministe à se regrouper. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu ce que l'Union française pour le suffrage des femmes a pu mieux se faire entendre et créer quelques sections. Comme je vous l'ai dit, il y a un grand retard. C'est très très difficile pour, semble-t-il, pour des femmes européennes et des femmes françaises, de se se décider de se proclamer féministe sans se sentir un peu coupable, entre guillemets, sans se sentir trahir la cohésion, vous voyez, du corps social national. Hein. Tant la race, entre guillemets, l'emporte sur le genre constamment en Algérie. Hein. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur le courage. On ne peut pas avoir idée aujourd'hui du courage qu'il a fallu à ces quelques femmes, et en particulier à Lucienne Jean-Daroui, pour créer un journal féministe, et un journal féministe qui était de gauche sans se vouloir, et elle le dit bien dans ses textes, à un moment, elle ne veut pas être embrigadée par un mouvement politique. Mais au moment du Front populaire, il est quand même dit qu'elle a beaucoup de sympathie pour le gouvernement du Front populaire. Il y a une évolution, d'ailleurs, dans le journal Femmes de demain. C'est un journal qui est extrêmement riche. J'ai un article sur le journal Femmes de demain. C'est là que j'ai découvert Lucienne Jean-Daroui. Je ne vous cacherai pas que j'ai été agréablement surprise par la personnalité de cette femme. C'est d'autant plus étonnant qu'elle est née en Algérie. J'insiste aussi sur le fait qu'on trouve des féministes ou des femmes qui étaient des femmes sujets, des femmes qui ont pris une position tranchée, hein, au début plutôt de l'histoire de l'Algérie, parmi les premières émigrées. Le meilleur exemple est Madame Luce Alix, hein, parce que c'était des femmes qui avaient du tempérament, des femmes qui venaient seules, limite aventurière, hein, et qui étaient des femmes sujets, qui prenaient leur destin en main. Hein. Et puis après, il y a eu des familles, et puis les femmes étaient toujours en nombre minoritaire, mais il y a eu aussi la vague de l'émigration italienne, hein, espagnole, surtout, beaucoup plus espagnole d'ailleurs qu'italienne, et des femmes qui ont été étroitement contrôlées. On utilisait contre elles la raison nationaliste. Elles étaient, même si on leur donnait aucune mission, hein, devaient être exemplaires. Voilà. Elles représentaient, elles devaient normalement être les icônes muettes de la civilisation française. Hein. Et refuser cette image, c'était très difficile. Hein. Et l'irruption dans les années 30 de quelques féministes est quand même difficile. Beaucoup d'ailleurs dans ce journal ne donnent pas leur nom. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, on ne sait pas par qui. Et en particulier, il y a le fameux article sur de l'école au Gourbi, qui est absolument étonnant. Parce qu'il préfigure l'enquête de Camus sur la misère en Kabylie, à un point tel que Christelle a cru que je m'étais trompée de date, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est dans l'article de Camus est paru en 1938 ou 39, je ne sais plus. Hein, 38, oui, au début, voilà. Et l'article de l'école au Gourbi, hein, qui paraît dans Femmes de demain, est paru, lui, en 1937. Hein. Ça peut être inspiré, vous voyez, Camus, pour une enquête plus approfondie, d'autant que Camus et Lucienne Jean-Daroui se connaissaient forcément, puisque Lucienne Jean-Daroui a fait partie de la première équipe d'Alger Républicain. Mais elle écrit très peu de temps. Parce qu'à chaque fois, on l'interdit, elle est interdite de parole, ou presque. Hein. On voit la violence, d'ailleurs, même dans Alger Républicain. Hein. On lui donne une page féministe, page féminine plus exactement. Et elle s'empare de cette page féminine pour mettre un éditorial particulier, etc. Hein. Mais très vite, même dans Alger Républicain, mais c'est plus net encore dans Libération. Alors dans Libération, ça va très vite, hein, parce que le journal Femmes de demain, elle essaie de prolonger Femmes de demain parce qu'elle n'a plus de subsides. dans le journal Libération, qui était un journal de gauche. Et là, on lui accorde une page, page féminine, qui est très vite, alors ça dure 2 mois. En 2 mois, c'est totalement évincé. Elle a une page d'abord, avec des rubriques mode, puriculture, enfin tout ça, cuisine. Et puis elle met son éditorial. Mais déjà, elle est interdite de parler des musulmans, n'est-ce pas? Et puis très vite, ça c'est une demi-page, plus un quart de page. Et puis ça disparaît. Voilà. Je crois que Claire voulait dire quelque chose au sujet de... Je ne sais pas si je réponds. Oui, si je peux me permettre, parce que j'ai travaillé dans les archives de l'Union française du suffrage des femmes et dans le... En particulier dans le fonds Cécile Brinjvig, il existait une 10-12 sections en fait en Algérie de l'UFSF qui sont créées en fait dès la fin des années 20. Celle de Rouen est créée en 1929 et une de ses représentantes, la doctoresse Abadi, est aux états généraux du féminisme. Non, je parlais de Lucienne Gendary. Mm-hmm. Ah oui, Lucienne Gendary, oui, n'y était pas en revanche. Et quel est le discours qu'elle porte justement aux états généraux du féminisme en 1931? Alors, il y a un article très intéressant de Régine Goutalier sur ces états généraux. C'est la seule à un petit peu faire dériver le débat vers la question des droits politiques, parce que tout le reste du débat est absolument édifiant, dans les termes qu'on peut imaginer édifiants de notre point de vue, mais bien sûr pas du point de vue de la société et de la culture de l'époque. En tout cas, c'est la seule à parler de la scolarisation. Et parce que je pense qu'à Oran, ces milieux-là sont plus étroitement imbriqués avec les partis, avec les milieux de la gauche. Et il y a quand même, en fait, au début, ces unions, ces sections, elles ont pas mal de succès. En 32, il y a 500 membres. À Oran, par exemple, dans la section d'Oran, il y a aussi une section à Tiaret, à Mascara, qui sont pas forcément des villes où on s'y met, qui sont pas forcément. Mascara, par exemple, n'est pas particulièrement politisée du niveau du côté européen. Mais la crise, c'est vrai que ça prend pas en fait le féminisme en Algérie. C'est ce que dit Lucienne Gendary dans ses lettres à Cécile Brinjvig. Elle dit ça marche pas parce qu'en fait il y a beaucoup de dès le milieu des années 30, il y a beaucoup de, en particulier ce débat sur les droits politiques des indigènes va complètement empêcher. À un moment, elle dit c'est tellement le bazar, les gens sont tellement pas d'accord les uns avec les autres, on a dû mettre la section en sommeil. Ça c'est à Tiaret parce que personne s'entend. Et par exemple, les militantes, on voit au tout début, il y a aussi la Ligue française pour le droit des femmes qui est présente en Oranie, en tout cas, de Maria Véron. On voit dans ces deux sections, dans ces deux organisations féministes, pas mal de femmes, à la fois du Parti communiste et du Parti socialiste, qui vont très vite partir, justement critiquant ce neutralisme politique, cette manque, ce monopole du discours sur le droit de vote des femmes, qui du coup. Dans leur esprit, ne prend pas assez en compte la question, notamment des droits politiques indigènes. Et c'est complètement une question de priorité pour elles, et ça marche de façon différente. Et donc le déclin est très rapide, et en fait, vraiment, c'est très amusant, cette lettre de la directrice, la présidente de la section de Tiaret, qui dit qu'il y a tellement d'hostilité réciproque qu'on ne peut pas continuer à porter notre mouvement féministe. Molly Givlin, Rutgers University. I'm a doctoral student. Si je pose la question en anglais, ça marchera ou non? D'accord. I'm very happy that we're starting to break down the boundaries between colonizer and colonized, and that you've shown us the variety of ways in which people are interacting. But I wonder if none of you perhaps see claiming to speak for, on behalf of, in the interest of, colonized women is not another type of colonization on the part of European women. Oui, Evelyne Cadieux, Université de Nice. Alors ma question est tout à fait différente. En fait, elle s'adresse plutôt à Claire Marinova à propos d'Oran. Je voudrais savoir, si vous avez rencontré la personnalité de Jeanne Sicard, qui a été aussi amie de Camus. Et quelle attitude aura-t-elle eue à propos du problème que vous posiez, donc de l'engagement d'une intellectuelle oranaise qui d'autre part était liée avec la famille Bastos, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire avec la famille qui commandait ses manufactures de cigares et de cigarettes. Et donc la grève des cigarières, alors ça c'est une première question. Et l'autre, alors c'est une remarque plus générale. Je me demande, je vais témoigner en tant qu'Européenne d'Algérie, si vous voulez. Il y a un problème qui coince un peu. J'ai l'impression que dès le début, pour ce qui est de la revendication féministe, elle a du mal à passer parce qu'il faudrait faire la distinction entre la féminité et le féminisme. Le féminisme, c'est une revendication un peu autoritaire de la position de la femme. Ça peut apparaître comme ça, comme une position un peu autoritaire et donc un peu virile finalement, de la position de la femme dans la société, alors que la féminité, c'était tout de même encore une valeur qui continue de demeurer dans la société européenne du moins, et qui risque donc de faire blocage et d'amoindrir un petit peu les possibilités de lutte, si vous voulez, ou d'engagement de certaines femmes. Alors je pensais en particulier à Jeanne Sicard, justement, pour cette question-là. Il y a d'autres questions avant de... Pour prolonger cette question, pour revenir sur celle qui était avant, ça marche. Sur donc la ligne, la frontière entre ce qui serait les militantes féminines socialistes et par ailleurs donc d'autres féministes, d'autres qui seraient plus... Est-ce que justement il faut essayer de comprendre cette différence par rapport à un ordre de priorité dans les luttes et donc à des questions de stratégie. Ou alors, je pensais à ce que Madame Guillard avait dit tout à l'heure, que je trouve intéressant, qui est que dans ce contexte politique de l'époque, la pression sociale était entièrement sur l'idée de race et sur le rapport de domination colon-colonisé, et que celui-ci finalement occupait tout l'espace politique, y compris celui justement de la des droits politiques des femmes, quoi. Il me semble que ça ramène aussi au débat en France métropolitaine entre féminisme et socialisme. Bon, c'est des travaux canoniques sur la question, les priorités, lutte de classe, droits des sexes, complétés encore plus en situation coloniale par la situation coloniale. Donc effectivement, dans cet imbroglio, comment faire vivre les interactions entre les différentes oppressions, entre les différentes luttes, bon, c'est un problème qui n'est pas que historique. Et d'ailleurs, si je puis juste rajouter quelque chose, la première citation, celle qui a donné lieu à ton titre, est très semblable en fait à la très célèbre phrase de Flora Tristan, la femme et la prolétaire du prolétaire, Non, c'est Flora Tristan. Alors évidemment, tout ça assez brièvement. Voilà, on a très peu de temps maintenant, donc peut-être d'abord Claire et puis ensuite Claudine. Je vais aller d'autant plus vite que je ne connais pas Jeanne Sicard. Donc je serai très. Je vais aller d'autant plus vite que je ne connais pas Jeanne Sicard, ou peut-être que si je fais une recherche dans mon ordinateur. Une thèse de Sciences Po justement. Je vais l'idée par Thierry Lévy sur la. D'accord, bah je vous demanderai plus de renseignements. Bien évidemment, mon propos n'était pas de dire que ces femmes prenaient la parole pour les femmes algériennes. Et je crois d'ailleurs que jamais, formellement en tout cas, elles ne le disent. Elles disent s'adresser à ces femmes-là. Peut-être, bien évidemment, dans leur imaginaire, elles ont le sentiment de parler pour elles, mais je pense qu'elles-mêmes se rendent compte que c'est compliqué de dire ça, puisqu'elles ne le disent jamais. Et par ailleurs, pour dire que c'est une autre forme de colonisation, je n'irai probablement pas jusque-là, ou alors si on décide de rester vraiment dans quelque chose assez littéraire et de l'imaginaire. En tout cas, bien évidemment, il y aurait usurpation totale de leur part, et elles ne le font pas dire qu'elles prennent la parole pour elles. Et enfin, oui, je suis tout à fait d'accord pour le fait que, finalement, cette situation-là, la situation coloniale surajoute quelque chose, un élément de plus et un élément d'urgence, probablement, qui est ressenti comme très, très urgent, à une configuration qui est partout ailleurs. Et l'espace politique, il est, c'est vrai, ici encore plus réduit pour la cause des femmes par cette situation-là. Oui, je reviens un petit peu justement sur ce que vous avez dit au sujet, la question posée, est-ce qu'elles ne prennent pas la parole pour, à la place des colonisés, c'était ça, des femmes colonisées de la part, oui, on leur reproche, hein. On peut leur reprocher effectivement de coloniser en prenant la parole à la place des femmes colonisées, c'était ça votre pensée, oui. Lucienne Jandarwis explique un petit peu, puisque les femmes ne prennent pas la parole, elle n'a pas du tout l'intention de faire œuvre, je pense, de colonisatrice en prenant la parole à la place des femmes colonisées. La preuve, c'est qu'elle lance un appel lorsqu'elle leur demande, lorsqu'elle essaie de créer une association franco-féminine, lorsqu'elle s'étonne et elle les appelle pour être à côté d'elle, hein, et non pas, enfin, avec elle plutôt qu'à côté d'elle. Et puis ensuite, vous avez vu que lorsqu'elle a une page féminine mais qui est dans un journal nettement à gauche, Alger Républicain, là, à ce moment-là, elle ouvre, ce qui est également très audacieux à l'époque, hein, une tribune réservée aux musulmans et aux musulmanes. Hein, et elle la confie à un confrère algérien pour justement éviter toute ambiguïté, vous voyez, de colonisation. Hein. Alors, d'autre part, je voulais répondre aussi un petit peu à vous, madame, hein, sur les priorités. Alors, on voit très nettement dans Femmes de demain une évolution et un clivage entre les féministes qui sont des féministes totalement neutres, des féministes qui ne s'intéressent qu'au féminisme de type, disons, métropolitain, hein, qui consiste à lutter pour obtenir le droit de vote, le droit d'une citoyenneté complète, la remise en question de certains articles également du Code Napoléon, etc. Et puis aussi, eh bien, les féministes qui veulent lutter non pas uniquement pour elles-mêmes, mais pour leurs sœurs algériennes, vous voyez. Et entre autres, eh bien, lorsqu'il y a une sorte de supplique envoyée au gouvernement français pour donner la priorité aux femmes, aux citoyennes, enfin aux femmes françaises. Alors certes, dans Femmes de demain, cette supplique est mise, mais il n'y a aucun commentaire de fait. Ce qui montre qu'à ce moment-là, il y a un clivage. Elle l'accepte parce qu'elle fait partie quand même. Oui. Non. Voilà. C'est-à-dire que le discours de l'Union française pour le droit, les sections de l'Union française, hein, pour le suffrage des femmes, hein, eh bien, elle donne très nettement et demande très nettement qu'il y ait la priorité. Hein. Et il semble qu'à ce moment-là, une partie des journalistes de Femmes de demain, dont sans doute, hein, Lucienne Jandarwi, eh bien, n'adhère pas totalement. Elle voudrait qu'il y ait, elle sans priorité. Elle demande l'un et l'autre. Oh, c'est 137 à peu près. Oui, 137, c'est-à-dire peu de temps avant la suppression du journal. Voilà. Donc, je vois que les autres arrivent. Donc, je vous remercie toutes les trois, tous les six.